je m'appelle Angie, j'ai 17 ans. T'as pensé quoi de cette thématique sur l'égalité homme-femme ? Bah, c'était intéressant sur tous les faits qu'ils nous ont racontés, sur qu'on prenne vraiment conscience de l'égalité entre les hommes et les femmes qui n'est pas encore au point. Et ça faisait un peu peur en même temps. Ouais, je comprends. Mais bon, après... Sur le harcèlement, tout ça, ça fait peur. Bah surtout qu'on peut aussi être confronté, quoi. Donc c'est ça, et ça fait peur que ça existe encore depuis le temps que. C'est clair. Mais en avance. On se voit pour ça. Et est-ce que tu penses que des événements comme ça, par exemple, ça peut aider à se rendre compte que les hommes et les femmes ont exactement les mêmes capacités, enfin, même dans n'importe quel domaine, ils peuvent évoluer de la même manière, passer de la même manière. Homme ou femme, c'est la même chose. Ouais. Mais tu savais déjà, par exemple, enfin, tu sais, forcément, toi, t'es une femme, on le sait. Mais par exemple, peut-être pour les garçons, tu vois, peut-être qu'ils se rendent davantage compte grâce à des événements comme ça. Des... Ah oui, avant, ils se rendent pas compte. Il faut vraiment qu'il y ait un élément percuteur, on va dire. Est-ce que toi, tu pouvais faire une action, par exemple, pour vraiment. Marquer le fait que bah, l'égalité homme-femme c'est nécessaire, qu'est-ce que tu ferais ? On pourrait faire n'importe quoi, ça ne changerait pas. C'est ça c'est le vrai. Souci. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette journée et en particulier la thématique-là ? Vraiment un truc que tu. Ouais, que j'ai retenu, bah, c'est comme j'ai dit, ça m'a fait peur. C'est bien. C'est ça, et même le thème d'après sur la famille, c'était intéressant aussi que c'était la femme qui restait beaucoup plus souvent à la maison. Et c'est ça le souci. C'est clair. Et quand tu dis que t'as peur, c'est dans le sens où tu te dis que toi-même, un jour tu seras dans la rue, tu trouves un mec, enfin un homme peut venir et te parler. Bah, c'est ça, et que même si on offrait pour changer les choses, que ça marcherait pas. Parce que ça existera toujours. Peu importe ce qu'on fera, ça existera toujours. Et c'est dommage. Bah oui, non, mais c'est bien que des événements comme ça permettent au moins de faire réfléchir sur le sujet. Oui, au moins quelques heures, quelques minutes, tu vois. C'est toujours intéressant. Donc voilà. Bon, c'est bien. C'était très bien.